tout animal a un monde. C'est curieux parce qu'il y a des tas de gens, il y a des tas d'humains qui n'ont pas de monde. Hein. Ils vivent la vie de tout le monde. Hein. Les animaux, ils ont des mondes. Et c'est ça qui m'émeut. Le doute, c'est pratiquement ce qu'on sait faire de plus beau. Il y a tellement de diversité, tellement d'intelligence. La matière et ses atomes. C'est le moment où véritablement quelque chose a lieu. Et ce procédé devait mener à la séparation du chlorure de radium. Néandertal était différent, et pourtant si proche d'Homo sapiens. Les chercheurs explorent depuis un siècle l'infinie richesse de la vie animale. Dans Les Aventuriers hier, le neurobiologiste Georges Chapoutier nous a raconté comment ont évolué nos mentalités vis-à-vis des animaux. On leur reconnaît désormais une sensibilité, une intelligence et une sagesse. Charles Darwin a même été le premier à étudier les émotions animales d'une manière rigoureuse. Les émotions des animaux, c'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui et c'est Noreen Chai qui va nous en parler. Ce vétérinaire en chef de la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris est un grand spécialiste de la faune sauvage. Noreen Chai vient du Cambodge, il est bouddhiste, ce qui explique peut-être l'approche originale qu'il a avec ses patients. La prise en compte des émotions chez les éléphants, les chats ou les oiseaux l'amène à soigner différemment. Ce vétérinaire, pas comme les autres, parle aux animaux, les touche et pense qu'il est compris d'eux. Il a beaucoup d'histoires à raconter. Les Aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. Ça fait maintenant 30 ans que je suis vétérinaire, spécialiste en faune sauvage. Et ce qui m'intéresse, c'est cet aspect extrêmement varié de toute la biodiversité animale. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont ils communiquent entre eux et quelque part, comment ils nous communiquent leur état de santé, leur état émotionnel. Ce qu'il y a de nouveau dans ces approches animales actuellement, autant on a beaucoup travaillé sur l'intelligence, sur leur capacité cognitive, sur leur transmission de savoir, même on parle même de culture animale, mais l'émotion. L'émotion animale en elle-même, elle est extrêmement fugace. Par exemple, là récemment j'étais au Cambodge, c'était pour soigner des éléphants. Le premier jour, ils étaient pas craintifs, mais sur leur garde, voire même surpris que je m'approche aussi près d'eux. Donc on a fait des prises de sang, des échographies, fait étrange, au dernier jour, vous n'êtes pas non plus obligé de me croire, mais c'est le ressenti que j'avais, non seulement en tant que vétérinaire, mais en tant qu'humain, j'ai eu une sorte de contact, une réception d'un message d'un de ces éléphants qui me disait merci. Alors, de quelle façon il pouvait me dire merci, tout ça, c'est du ressenti. La façon dont il s'est approché de moi, il a mis son front, en fait, contre la paume de ma main. Et j'ai senti un sourire. Alors, c'est un sourire, ça peut faire rire, mais un véritable sourire émotionnel, un sourire télépathique, un sourire communicatif qui m'a profondément touché. Et là, on est encore une fois, dans une totale relation émotionnelle. Alors, ça semble un peu étrange. On m'aurait traité de hérétique à une certaine époque si je parlais d'émotion de la sorte. Mais il est vrai qu'au niveau académique, pur et dur, par ma propre formation, même de médecin et de chirurgien, on ne peut pas parler d'émotions comme je le parle maintenant, puisque c'est des ressentis. Donc on va toujours être dans le piège d'un anthropomorphisme ou même d'un anthropocentrisme, où je vais percevoir ou extrapoler mon image sur l'animal, qui lui n'est pas forcément ce que je pense qu'il est. Donc les émotions, elles sont effectivement assez récentes dans le monde scientifique. On en parle de plus en plus, on a moins peur de l'anthropomorphisme, mais c'est pas nouveau. Déjà Darwin, qu'on connaît surtout pour son explication de l'évolution, parlait déjà des émotions. Et les émotions animales étaient pour lui une part intégrante de leur vie. Il n'y avait pas que la physiologie, il n'y avait pas que la génétique, ni le comportement. Il y avait aussi les émotions entre eux, entre espèces et entre d'autres espèces différentes. Et dans son bouquin sur les émotions justement des animaux et des hommes, il cite 6 principales émotions, qui sont la colère, le contentement ou l'état de sérénité, de joie, la tristesse ou dépression, le dégoût et la peur. Et Darwin, du coup, à l'époque, était vu comme un peu comme un illuminé, puisqu'on est, faut se remettre dans le contexte, d'une dominante de la pensée théologique. L'homme était toujours un piédestal, l'animal était toujours en second plan, voire en xème plan. Là, Darwin met l'animal et l'homme quasiment sur le même plan. Et grâce à, justement à cette première approche totalement innovatrice de l'animal, de la vie animale, et donc du coup de la vie tout court, Darwin a pu enfoncer des portes qui étaient blindées. Et ensuite, effectivement, d'autres éthologues ont pu agrémenter, voire même diversifier ces émotions. Par exemple, on peut parler de dédain, de mépris, d'orgueil, de honte, timidité, toutes ces émotions que d'autres scientifiques ont pu compléter l'approche de Darwin. Alors, cette approche émotionnelle des animaux de Darwin, elle a été aussi confirmée par d'autres chercheurs comme Jacob von Uexküll, qui lui, en fait, parle de relativité des mondes, de relativité du réel. Pour lui, par exemple, le monde d'une chauve-souris, d'un éléphant, d'une baleine ou d'un serpent n'a rien à voir avec notre monde à nous. Donc, d'un côté, vous avez un Darwin qui attribue des émotions, d'un autre, vous avez d'autres scientifiques qui vont permettre de dire que oui, mais en plus, le monde animal, chaque animal est spécifique et lui est propre. Vous avez là, du coup, une ouverture dans la vision qu'on a du monde qui n'est pas un monde figé, mais un monde plurispécifique où chaque être vivant possède son propre univers, ses propres catalogues émotionnels et tout ça vit en harmonie sur cette planète. Donc voilà ce contexte un peu historique sur les émotions. Mais bien sûr, vous avez en parallèle toutes ces disciplines comme le behaviorisme ou alors l'éthologie de façon générale, éthologie comportementale, cognitive, donc toutes ces grandes disciplines sur le comportement. L'éthologue le plus cité reste quand même Konrad Lorenz, qui a beaucoup travaillé sur l'instinct et surtout sur l'empreinte animale. C'est lui qui a montré que lorsqu'un animal naît, la première vision qu'il aura de sa vie, donc que ce soit un objet ou un être vivant, sera sa première attache. Et d'où là commencent tous ces grands travaux sur l'éthologie. Konrad Lorenz a beaucoup marqué le monde scientifique du comportement. Octobre 1974, France Culture, entretien avec Konrad Lorenz. Votre chien est beaucoup, beaucoup plus stupide que vous le croyez. Son intelligence est inférieure à celle que vous lui attribuez. Mais dans sa vie émotionnelle, le chien est absolument la même chose, est aussi évolué que vous. Et je suis sûr qu'un chien ou même une oie peuvent être aussi tristes, peuvent souffrir absolument comme un homme, et ils n'ont pas même la consolation de l'intelligence qui vous dit alors ça passerait. Un chien dont le maître s'éloigne pour quelques jours se comporte absolument comme si le maître était mort, car il ne sait pas, il ne peut pas prévoir que le maître reviendrait un beau jour. Contre les animaux, je suis sûr que les plus élevés, les plus hautes mammifères et oiseaux peuvent souffrir aussi bien que l'homme, que leurs souffrances ne sont pas moins horribles que celles que nous connaissons nous-mêmes. Là, on a écouté un extrait de Konrad Lorenz. Donc c'est les années 70 quand même. Il parle déjà de souffrance, de dépérissement, d'émotions animales, alors que vous pensez qu'on a attendu quasiment les années 2000 pour parler de vraie souffrance animale. Donc c'est vraiment très novateur. Et ce qui, il y a deux choses importantes dans ce qu'il a dit, qui est vraiment révélateur de sa pensée assez novatrice. C'est déjà, il dit qu'une oie n'est pas aussi peu ou alors sous-évolué qu'un humain. Ou un humain n'est pas plus évolué qu'une oie, qu'un chien. Mais oui, parce que à partir du moment où nous sommes présents sur cette terre en même temps, c'est que nous sommes tous également évolués. Et que ce n'est pas une question d'évolution, c'est une question de degré. Dans le sens où chaque animal possède sa propre émotion spécifique, qui lui est intime, mais elle n'est pas ni plus ni moins évoluée que celle de l'humain. Elle n'en est pas moins existante et réelle. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ensuite, hein, il parle de, justement de souffrance, où il attribue, enfin, l'animal des émotions. L'animal n'est plus une machine inerte et cartésienne, mais vraiment un être sensible. Et c'est vraiment l'approche très importante, puisque c'est cette notion d'être sensible qui, maintenant, nous donne les rails, nos conduites à tenir et notre mode de travail avec les animaux. En gros, pour résumer, faire attention à leur bien-être. Donc cette approche de Konrad Lorenz sur les émotions, effectivement, je l'applique quasiment tous les jours. C'est même la base, c'est le socle de mon métier en tant que vétérinaire, en tant que médecin et même en tant que chirurgien. En tant que vétérinaire, de façon globale, je vais approcher l'animal en fonction de son état émotionnel. Un animal qui a peur, je vais faire en sorte qu'il n'ait plus peur. Un animal qui est très bien dans son enclos, je vais faire en sorte qu'il ne soit pas surpris. Donc je vais aller tout doucement, mon approche va être pas à pas, va être progressive, avec ouverture, non seulement ouverture intellectuelle, mais aussi ouverture du cœur, puisque pour comprendre les émotions des animaux, il faut que nous soyons nous-mêmes ouverts à ses émotions. Et donc, c'est vraiment un socle très important. Un animal qui va être en souffrance, avant de l'opérer, par exemple, je vais essayer de répondre à tous les paramètres qui ont pu entraîner une souffrance sur cet animal avant d'aller plus loin, aussi bien dans mon diagnostic que dans ma thérapeutique. Okay. C'était Dengue Fever, Oukou. Les aventuriers sur France Inter. Chiens, chats, éléphants ou perroquets, les animaux peuvent être gais ou tristes, empathiques ou colériques. Pour le vétérinaire Norin Chai, accéder à leurs émotions nous ouvre une porte originale sur leur monde qui devient alors extraordinaire. Ce qui m'a toujours étonné ou même chagriné, même, c'est qu'on me dise que les animaux ne parlent pas. Les animaux parlent, bien sûr qu'ils parlent. Ils n'arrêtent pas de nous parler. C'est nous qui n'arrivons pas à les comprendre, encore moins à les écouter. Donc, les animaux parlent par leur langage. C'est comme si vous voyagez, vous allez en Inde, les Indiens qui parlent autour de vous, vous avez l'impression que vous ne comprenez rien, mais pourtant vous savez qui parle. Un animal qui chante, un chien qui aboie, ce ne sont que du langage. Et les animaux n'ont pas forcément un langage articulé, comme on pourrait l'avoir nous, mais ils ont un langage, j'aime bien dire ce mot, un langage du cœur, un langage des émotions. Alors, l'animal, vous voyez, il va parler d'abord avec le cerveau du cœur. Ensuite, tout le corps va suivre. L'homme, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord parler avec le corps avant de parler avec les émotions. C'est en ce sens qu'on est quelque part des handicapés émotionnels, puisque si on ne comprend pas les animaux, si on pense qu'ils ne parlent pas, c'est que tout simplement, on a coupé ce canal émotionnel qui est en nous. 10 décembre 2015, sur C8, la primatologue Jane Goodall, dans Les animaux sont des individus. Les gens ne pensent pas aux animaux comme étant des individus. On parle de biomasse, on a besoin de biodiversité, on a besoin d'espèces parce que c'est bien pour nous. Mais les gens ne pensent pas que les animaux, ce sont des individus. Les chimpanzés, ce sont des individus. Les vaches aussi sont des individus. Chaque vache est un individu. Ce que les gens oublient, bien, ils se disent, ces animaux, on les élève pour les manger. Mais chaque vache a une personnalité. Moi, j'ai passé du temps avec les vaches. Elles ressentent la douleur. Elles ont des émotions. Elles peuvent être tristes, heureuses, déprimées. Chaque humain a sa propre personnalité. Les animaux, c'est pareil. On parle même, les dernières études, dernières recherches, parlent même de personnalité du requin, personnalité de la fourmi. Je répète bien, oui. Personnalité de la fourmi. Alors que la fourmi qui est justement sans personnalité, là, on reconnaît une variabilité comportementale, même chez les individus, même chez ces sociétés qu'on appelle eusociales. Donc, oui, l'animal est un être sensible, chaque animal possède sa propre individualité et du coup son propre langage. Et nous, en tant que vétérinaires de la faune sauvage, justement, on est vraiment au premier rang pour appliquer cette idée. Lorsque vous avez un orang-outan, ou un tapir, ou un macaque, ou un serpent, moi ce que je vois, c'est un patient, ce n'est pas un représentant des orang-outans, c'est mon patient qui est unique, qui a sa propre histoire, ses propres douleurs, ses propres souffrances, ses propres envies et sa propre maladie. On n'est plus dans ces vieux concepts de dominante pathologique où tous les orang-outans auraient les mêmes pathologies, où tous les serpents auraient les mêmes pathologies. Là, on rentre, grâce aux études vétérinaires qui sont menées dans les eaux ou dans le milieu naturel, on arrive à un niveau diagnostique qui prend en compte chaque animal comme un individu propre. Alors, c'est très bien tout ça, mais comment vous allez me dire, mais comment on va reconnaître qu'un animal est triste? Comment vous allez reconnaître qu'un animal a peur ou autre? Bon, lorsque on travaille les animaux, on fait attention à plusieurs choses, évidemment. Il faut que l'animal soit bien. Pour qu'il soit bien, il faut qu'il réponde à tous ses besoins psychologiques et physiologiques qui sont propres à son espèce. Et lorsqu'un animal est triste, ou voire même dépressif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va moins manger, il va moins se déplacer. Ça, par exemple, c'est pour les oiseaux. Un oiseau qui va être dépressif, il va être en boule, il va avoir les plumes ébouriffées et de mauvaise qualité. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est triste, il va moins s'étoiletter, donc du coup, son plumage va être moins beau. Et ça, c'est un signe pour moi pour dire, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Lorsqu'un animal est anxieux ou lorsqu'il a peur, il va être, par exemple, surexcité. Un serpent, par exemple, il va se cogner le museau, ou une grenouille. Si vous avez une grenouille qui a le museau complètement abîmé, même si elle ne parle pas, elle me dit, moi, je ne suis pas bien dans mon terrarium. Et moi, je cherche pourquoi cette grenouille n'est pas bien dans son terrarium. Ben parce que, par exemple, ils sont trop nombreux. Donc, j'ai trop de grenouilles dans le terrarium. Donc, du coup, ils ont un stress. Ben, c'est comme vous dans le métro. Vous et moi, enfin, je ne sais pas vous, mais moi. dans le métro, lorsqu'on est trop comprimé, ben, on peut avoir une certaine anxiété. Ben, les grenouilles, c'est pareil. Elles ne vont pas croix-croix. Elles font boum-boum contre la vitre. Et ces émotions-là, elles nous les transmettent, nous, vétérinaires, par un comportement anormal. Mais le stress, il est aussi présent dans le milieu naturel. Par exemple, j'étais appelé pour soigner une jeune éléphante à Sumatra, dont toute la famille a été tuée par des braconniers. Donc, ils ont tué tout le troupeau. Et il restait cette petite que les vétérinaires, à l'époque, avaient trouvée, en fait, cachée dans un buisson. Elle était complètement apeurée et sous le choc, c'est vraiment le mot. Et comme les éléphants suivent justement la matriarche, suivent le groupe, elle n'avait plus personne à suivre. Donc elle était restée là. Et c'était assez émouvant. Et l'équipe sur place a essayé de la réhabiliter, de la soigner. Ils l'ont mise dans un hôpital spécial pour éléphants, une sorte de réserve. Elle mangeait toujours pas, elle dépérissait, sa peau était craquelée. Et il y a plusieurs ONG, plusieurs bénévoles un peu partout qui sont venus, notamment les Australiens. Et ils n'ont jamais réussi à trouver ce qu'elle avait. Du coup, ils m'ont appelé. Et la première chose que j'ai vue, c'était effectivement une éléphante triste. Alors c'est vraiment l'émotion, là, la tristesse. Sorte de dégoût peut-être des aliments, dégoût de la vie. Donc ça, alors ça, c'est peut-être ma projection. Mais tristesse, ça c'est sûr. Dépression, ça c'est sûr. Et elle était donc anorexique et donc complètement extrêmement maigre. À l'examen, j'avais rien de particulier. Et ce que j'ai vu, c'était vraiment ce qu'il fallait faire, un traitement comportemental. Et on rentre dans la psychologie d'éléphant. Et en fait, c'est très simple. Ce qui lui manquait, c'est ce que j'ai dit en fait à ma collègue. Tu sais ce qui lui manque à cet éléphant ? Elle me dit, quoi, on a tout essayé. Ben, pas tout. Ce qui lui manque, c'est l'amour. L'amour de ses congénères. L'amour de sa vie d'éléphant. Pour bien faire, en fait, il avait isolé la petite éléphante pour éviter qu'elle se fasse chahuter. Et ben non, au contraire, il fallait la remettre avec le groupe. Et on a cherché une maman éléphante qui pourrait être une mère adoptive. On en a trouvé une. Donc on les a présentées. Donc elle a eu peur. Autre émotion. Peur. Surprise. Et au bout de quelques jours, elle a commencé à accepter, à suivre cette mère adoptive, qui elle, tout de suite, l'a prise sous sa trompe, c'est vraiment le cas de le dire, qui l'a cajolée, qui l'a rassurée. On rentre dans une autre émotion. L'éléphant savent très bien faire ça. Là, on va rentrer dans l'empathie. La mère éléphante sent que la petite a besoin d'affection. J'étais vraiment témoin d'un échange émotionnel. Et là, on est vraiment dans l'émotion. Et la peau était traclée, comme je vous disais. Il faut savoir que les éléphants adorent jouer avec l'eau. Ils adorent se baigner. Elle avait peur de l'eau parce qu'elle n'a jamais appris. Donc on a tout doucement, on lui a appris à de nouveau aimer l'eau. En fait, on lui a appris à de nouveau être un éléphant. Quand je suis parti, elle avait toujours peur de l'eau. Et quand j'étais en France, 2-3 semaines après, à mon retour, je reçois un email disant de ma collègue qui disait que Bona, donc c'était le nom de cet éléphant, a enfin accepté à se baigner. Et maintenant, elle va super bien. Bon, là, c'était en 2013, donc ça fait 5 ans. Et maintenant, c'est une star locale puisque elle a fait la une du journaux, etc., etc. Donc là, bien sûr, c'est une histoire qui se termine bien parce que nous avons été là pour soigner cet éléphant. Toujours dans l'émotionnel, vous voyez, c'était vraiment que de l'émotion. Mais bien sûr, il y a tellement d'autres exemples où, effectivement, l'histoire ne se termine pas aussi bien. 20 octobre 1947, Paris Inter, débat, les animaux ont-ils une âme ? Il y a un problème, c'est celui de la souffrance des animaux. Il y a beaucoup de gens, j'en connais pour ma part, qui disent si l'animal n'a pas d'âme, alors comment s'explique le problème de la souffrance chez les animaux? Je crois, en psychologue, je serais porté à croire que nous amplifions beaucoup la souffrance de l'animal, car la souffrance croît dans la proportion de la conscience. et l'animal est moins conscient de sa souffrance que nous-mêmes. Mais alors justement, je crois que c'est sur ce problème de la conscience qu'il y a à discuter. Mais ils ont même la souffrance morale. Le chien qui vous voit par exemple partir sans l'emmener souffre moralement. Vous avez certains chiens, quand vous partez, que vous les laissez, qui vous démolissent tout de colère et de souffrance morale. Alors là, c'est un extrait de 1947 et qui montre bien que, heureusement, nous avons évolué sur la vision animale. On se questionne sur la souffrance, on se questionne sur la conscience et on sait aujourd'hui que, bien sûr, les animaux ont une conscience. Elles ont une conscience depuis les travaux d'Hamilton. Donc avec les travaux d'Hamilton, on a pu enfin objectiver qu'il y avait une conscience de soi chez l'animal. Mais pour revenir à la souffrance, l'émotion et la souffrance, on reconnaît enfin une vraie souffrance. Alors attention, il faut différencier la douleur de la souffrance. La douleur, c'est vraiment une réaction physiologique. Donc vous me tapez dessus, j'ai mal, j'ai une douleur. Vous me trahissez, j'ai une douleur et une souffrance. La notion de souffrance fait intervenir des notions de conscience de soi, bien sûr, et des notions, si vous voulez, de capacité cognitive supérieure à la simple réaction physiologique de la douleur. Et là, on le reconnaît chez l'animal. Moi, je le vois tous les jours dans mon travail, pareil. On va éviter de faire mal à l'animal. Par exemple, on met une lampe chauffante trop importante, donc il va y avoir une douleur thermique. Ou alors, on va éviter d'avoir des grillages qui vont lui piquer dessus, une douleur physique. Ou alors, on va éviter qu'il y ait un public qui tape contre les vitres ou qui leur pince, qui leur crie dessus, une douleur auditive. Donc tout ça, ce sont des douleurs qui vont être maîtrisables. Ensuite, vous avez la souffrance, qui est encore autre chose, qu'on retrouve sur des espèces qui possèdent des particularités anatomiques comme le néocortex, par exemple, sur les éléphants ou les grands primates, par exemple, où là, on peut parler de souffrance parce qu'ils ont un recul de leur douleur au niveau psychologique. Et dans ce cas-là, on est dans un niveau supérieur de souffrance auquel on va répondre par différents moyens. Alors, un exemple justement de souffrance animale, c'est en captivité. Je suis bien placé pour le savoir, puisque je travaille dans un zoo. Et bien sûr, on peut avoir différents avis sur les zoos, mais il serait mensonger de dire que tous les zoos se valent. Et beaucoup de parcs zoologiques dans le monde, même en France, ne possèdent absolument pas les standards pour maintenir les animaux en captivité. Et là, on parle de souffrance, par exemple, de dépression, ou alors d'ennui. Et là, on peut vraiment parler de souffrance. Mais pas seulement dans les zoos, vous savez, même chez les particuliers, lorsque vous avez un animal, un chien qui va s'automutiler, ou bien des perroquets qui vont s'automutiler, et là, on peut parler de dépression et de souffrance animale. Pas besoin d'aller dans la faune sauvage, mais juste autour de nous, on peut avoir la souffrance. On écoute Farm the One avec Ben Harper et Charlie Musselwhite sur France Inter. mars 1947, Paris Inter. Il aboie, il piaille, il miaule, il jappe, il caquette. Le journaliste Georges Join. Ce sont tous les animaux du monde qui n'appartiennent pas à l'espèce humaine. Tous ces bruits de tous les animaux du monde, ce sont des cris de vie, des cris de joie. Quand ils souffrent, eux, les animaux, on ne les entend presque pas. On ne les entend même souvent pas du tout. Ce sont nos frères inférieurs qui vivent, qui souffrent et qui meurent comme nous, les hommes. Noreen Chai, vétérinaire en chef de la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. Donc oui, effectivement, la plupart du temps, les animaux, lorsqu'ils souffrent, ne parlent pas ou sont silencieux. Mais ce n'est pas toujours le cas, puisque un éléphant ou un tigre qui gémit, il souffre et puis il le fait vraiment savoir. En revanche, c'est vrai aussi que certains animaux qui sont des proies souffrent en silence, parce que justement, pour éviter d'être perçus et repérés par leurs prédateurs. Alors, ces émotions de joie, de tristesse, de souffrance, on les prend en compte dans la gestion quotidienne de nos animaux, en essayant de mettre en avant ces émotions positives, surtout, pour renforcer un comportement qui semble utile. Un exemple, prenons les orang-outans comme exemple, pour les examiner quotidiennement, pour leur faire des soins, pour leur faire des échographies, on était obligé avant de les anesthésier. Maintenant, c'est plus le cas, puisqu'on fait ce qu'on appelle du medical training. C'est-à-dire que on va les entraîner, on va renforcer les émotions positives. Par exemple, lorsqu'ils s'approchent de la grille, on va leur donner une récompense, on va leur donner un câlin, on va leur faire des gestes de tendresse, c'est vraiment le mot. Donc des émotions positives qui vont les encore plus incités à venir nous voir lorsqu'on leur demande. Et là, je ne peux pas ne pas vous raconter l'histoire avec mon ami Tenga, qui est un tapir, et donc qui est arrivé à la ménagerie à l'âge de 1 an. Et depuis son arrivée, normalement ça fait 3 ans, j'utilise, je joue, je me marie avec ses émotions positives. Justement, à chaque fois, quand je vais le voir, je le caresse. Et il adore ça. Et du coup, à tel point qu'il se couche et il s'endort sous mes caresses. Et je fais ça tous les jours. Et maintenant, à chaque fois que je vais le voir et que je lui caresse le ventre ou le dos, il se couche. Et là, ça me permet de l'examiner, de lui soigner les pieds. Ben, ce matin, notamment, il s'était fait mal à la patte. Donc, j'ai pu y mettre de la pommade régulièrement, juste en le caressant. Il se couche. Il sait ce que je vais faire que du bien. Cette histoire de Tenga, c'est l'histoire que tous les vétérinaires de parcs zoologiques essaient d'avoir avec leurs animaux. Et du coup, vous pouvez imaginer que la pratique vétérinaire a vraiment fait un bond sur l'approche animale. On n'est plus en train de flécher ou anesthésier un animal en première intention. On va d'abord faire un travail de fond, de mise en condition, d'approche émotionnelle de l'animal. Et la meilleure prévention, c'est vraiment la prise de conscience des états émotionnels de nos animaux. Depuis le début, on parle des émotions des animaux, mais on oublie aussi que les animaux ne font pas que transmettre une émotion, ils la perçoivent aussi. Donc c'est là la notion d'empathie. L'empathie, finalement, qu'est-ce que l'empathie ? C'est une résonance d'un être par rapport à un autre. Je suis empathique avec vous parce que je résonne avec votre colère, avec votre peur, votre tristesse. Je deviens empathique. Et les animaux le perçoivent. Alors, il y a des milliers d'exemples. L'exemple, bien sûr, des chevaux qui perçoivent la peur du cavalier. Les animaux sauvages aussi. Lorsqu'on fait des captures, par exemple, moi, je dis à mes étudiants ou même mes jeunes confrères, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Parce que les animaux sentent votre peur, votre indécision, et ils en utilisent. Soit ils vous mordent, ou soit ils s'enfuient. Mais un exemple assez flagrant, encore empathique, sur ces animaux qui plus proches, le chat par exemple. Un jour, j'avais un ami qui me présentait un chat, son chat, qui ne mangeait plus, complètement apathique. Il était en dépression, véritable. Donc, il est allé voir plusieurs vétérinaires qui n'ont rien vu. Alors, il a passé tous les examens possibles, imaginables, que ce soit un IRM, scanner, bah, il a tout fait, hein, vraiment. Et tout semblait normal. Et du coup, il me dit, bah, t'as pas une idée ? Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit, mais depuis quand qu'il est, il est dans cet état apathique ? Mais ça fait 6 mois. Et il y a 6 mois, est-ce qu'il s'est passé quelque chose chez toi ? Et il réfléchit et il me dit, ah ouais, c'est vrai, il y a 6 mois, j'ai perdu mon emploi. Et depuis, j'étais dans une spirale un peu vicieuse, puisque j'allais de dépression en dépression, je me dépréciais, je ne m'aimais plus. Et c'est là qu'il a remarqué que son chat n'allait pas bien non plus, lui aussi. Et là, je lui dis, bah, écoute, tu ne fais rien pour l'instant, la seule chose que je te dirais de faire, c'est d'essayer de reprendre confiance en toi et de recommencer à t'aimer. Au bout de 2-3 semaines, il a retrouvé un boulot. Et le chat, tout de suite, aller mieux. Plein de vétérinaires peuvent vous témoigner ce genre d'exemple qui montre à quel point les animaux sont empathiques. Les animaux sont de véritables éponges émotionnelles. C'est même pas de l'empathie, c'est de l'empathie fois 10 000. Et ne pas prendre en compte ce paramètre, parfois, vous amène des animaux qui sont malades parce que leurs propriétaires sont malades. Et il n'y a pas mieux exemple d'empathie, justement, qui sont autour de nous. 30 octobre 2015, Bartabas est dans la matinale de France Inter. On dit souvent que pour travailler avec les chevaux, il faut penser cheval, quoi. Donc effectivement, tu es obligé de te mettre dans la tête de ce que va penser et ce que va faire le cheval en permanence, exactement comme tu le fais avec un enfant. Quand tu as l'habitude de prévoir ce qui risque d'arriver à cause du cheval, ça peut te servir dans ta relation aux humains aussi, quoi. Je ne dis pas je préfère les chevaux que les hommes, ça n'a rien à voir. Les chevaux sont les chevaux, les hommes sont les hommes. On dit toujours, un cheval, on n'impose pas, on propose. Et il dispose. Et ça, c'est une philosophie qui est pour tout le travail. Tu ne peux pas y aller en force. Alors là, ce sont des propos de Bartabas. J'adore parce qu'en fait, il illustre totalement ce que je dis tous les jours. Les animaux n'ont pas besoin d'être aimés, ils ont surtout besoin d'être respectés. Effectivement, un cheval c'est un cheval, un homme c'est un homme, comme un souris, une souris est une souris, un orang-outan est un orang-outan. Chaque être est vraiment propre, il n'y a pas de jugement, de classification. Et lorsque je vais travailler avec un crocodile, je vais penser crocodile, effectivement, lorsque je vais capturer un crocodile, je vais voir comment il va réagir, et je ne vais pas m'approcher d'un crocodile en pensant que je suis un orang-outan. Lorsque je m'approche d'un chat de palace ou d'un tapir ou d'un macaque, je vais penser à comment l'animal réagirait dans son mode de pensée. Et c'est exactement ça. Le rapport avec l'animal n'est pas un rapport d'amour. L'amour est égo. L'amour n'est pas l'amour est tout sauf le respect. Pourquoi Bartabas a aussi bien réussi? Parce que lui, c'est un cheval lorsqu'il parle avec cheval. La réussite réside justement dans le fait qu'on arrive à se mettre dans la peau de la personne ou de l'être qui est en face de nous. Et tout ça doit nous faire penser à nous remettre en question. Si l'animal ne va pas bien, il ne suffit pas d'aller chez le vétérinaire. La première question qu'il faudrait se poser, c'est « Est-ce que moi, je vais bien ?» Avoir une vision objective, ouverte, honnête des émotions animales vont nous permettre d'apprendre non seulement sur eux, mais surtout vont nous permettre d'apprendre sur nous-mêmes. Ils peuvent être un véritable miroir et ils peuvent non seulement nous dire comment nous sommes, mais aussi comment nous pourrions nous améliorer. Donc par exemple, un jour je devais soigner un chat de palace. Un chat de palace, c'est un chat sauvage. D'habitude, je l'approche assez facilement. Et puis un jour, je devais lui instiller des gouttes dans les yeux. Au lieu de se laisser faire, il m'a juste craché dessus, il m'a griffé, il est parti en courant. Et c'est là, typiquement, un événement qui me dit « Ok, il y a quelque chose qui ne va pas bien chez moi. » Parce que l'animal le ressent. Et des fois, vous avez tendance à mettre en veille des émotions, des sentiments personnels que vous avez parce que vous avez un travail à faire, alors que non, lorsqu'on travaille avec l'animal, il faut qu'on soit en totale harmonie avec nous-mêmes et que l'animal ressent lorsqu'on a des problèmes perso qui vont transparaître dans notre façon d'agir, dans notre façon de penser, de respirer, notre façon de bouger nos muscles. L'animal le ressent. Et maintenant, moi, lorsque l'animal agit de telle ou telle sorte, par exemple ce chat de palace, ça me donne l'alerte en disant « Ok, est-ce que tu as cette contrariété personnelle que j'ai, que j'essaie de mettre en arrière-plan parce que je n'ai pas le temps d'y penser, peut-être qu'il faudrait que j'y pense. » Je pense à toi, on écoute Bernard Rie sur France Inter. Vétérinaire Noren Chai, comprendre les émotions des animaux permet aux hommes de mieux communiquer avec eux, mais aussi de mieux se comprendre entre eux. Les animaux, dit-il, nous enseignent la sagesse du corps. On a beaucoup parlé de l'animal miroir de nous-mêmes. Et vous savez bien, lorsque vous vous regardez dans un miroir, vous avez le choix. Vous avez le choix. Moi, par exemple, je me regarde dans un miroir, je dis « Oh là !» Soit vous avez envie de fuir, ou alors vous commencez à vous coiffer, et vous avez le choix. L'animal, lorsqu'il vous présente un miroir émotionnel, vous avez le choix de soit vous améliorer, ou soit de laisser faire. Et pour s'améliorer, il faut avoir, je pense, une vision honnête de ce qui vous êtes et de ce que vous êtes. Et c'est là où l'animal devient de véritables professeurs, des enseignants, sur une certaine sagesse. sagesse animale, où ils nous apprennent tellement de choses. On peut parler de la tolérance, par exemple. Cet exemple d'homosexualité, où j'ai juste envie de vomir, excusez-moi le mot, mais c'est vraiment ça, quand je vois tous ces mouvements homophobes. Alors que l'homosexualité est naturelle dans la nature. Vous avez tellement d'exemples, aussi bien sur des bouquetins, sur des chèvres, des pingouins, des flamands, des macaques, des orang-outans, des phoques des mers, des éléphants de mer, enfin, des lions. Vous avez des exemples par milliers d'homosexualité chez les animaux. Et là, du coup, l'animal, il est vrai, il est juste sans jugement, sans a priori, il dit juste que ce qui est naturel. Donc du coup, de fait, l'animal n'agit pas pour le bien ou le mal. Il n'y a pas de notion de bien ou de mal. Il y a notion de juste. L'animal fait des choses parce que c'est juste. C'est juste dans le contexte qui lui est donné, dans son histoire, dans sa capacité d'action. Et il n'y a pas de bien ou de mal. Et c'est pour ça que les animaux sont... Les personnes parlent aussi facilement aux animaux parce que l'animal ne juge pas. Que vous soyez autiste, handicapé... Brad Pitt ou qui que ce soit, l'animal va vous écouter tel que vous êtes, parce qu'il n'y a pas de jugement. Le seul jugement qu'il va avoir, c'est un jugement émotionnel. Si vous êtes faux, si vous avez peur, si vous êtes indécis, mais votre aspect physique, votre tenue vestimentaire, tout cet paraître, l'animal n'en a que faire, puisque ce qui l'importe, lui, c'est le langage du cœur. Et cette tolérance, elle s'illustre pas seulement dans les rapports qu'ils ont avec les autres, congénères de leur espèce, mais avec tout l'écosystème qui les entoure. Lorsque vous prenez un arbre, vous avez des chenilles, vous avez des oiseaux, vous avez des plantes, vous avez des champignons, vous avez un véritable écosystème sur un même plan végétal. Les animaux vont nous apprendre à cohabiter avec ce qui nous est différent. Et concevoir la vie, l'organisation de la vie comme le feraient les animaux, ça nous permettrait justement d'exploiter de façon harmonieuse tous les côtés positifs de notre existence. 29 octobre 2001, France Culture, Boris Cyrulnik dans l'émission Tire ta langue. Les éthologues pensent qu'un très grand nombre d'animaux ont accès aux symboles. Nos animaux familiers, nos animaux de compagnie ont certainement accès aux symboles, puisqu'ils sont capables de mémoire, ils sont capables d'apprentissage, et ils sont capables de percevoir une chose, une casquette, une chaussure, qui est mise là pour représenter une chose qui n'est pas là. Par exemple, un chien de chasse sait que si je mets ma casquette là, ça veut dire que je ne sors pas, donc le chien va se coucher, mais si je la mets sur ma tête, hop, et ça veut dire, c'est un signifiant, ce qui veut dire qu'on va sortir et hop, il se prépare à la chasse. Donc déjà, ils vivent dans un monde de symboles. La chose représente autre chose qui n'est pas là. Ils vivent dans un monde de symboles aussi parce qu'on sait maintenant que neurophysiologiquement, ils rêvent. Ils ont des stades étonnamment proches, des stades du sommeil des êtres humains. On fait des électroencéphalogrammes pour les chiens ou pour les vaches qui sont exactement les mêmes que pour les êtres humains. C'est les mêmes ondes, c'est les mêmes stades, et on sait maintenant que les vaches anxieuses, c'est-à-dire les vaches dominées, les vaches bousculées, les vaches maltraitées, ont du mal à s'endormir et elles tombent en sommeil paradoxal, c'est-à-dire en sommeil rapide, comme nous quand on est déprimé. Exactement pareil, et ça entraîne les mêmes modifications de sécrétion des hormones, et c'est vrai aussi chez les chiens. On a vu même un varan... peut rêver. On a bien sûr étudié avec les encéphalogrammes l'existence de sommeil paradoxal chez les animaux, chez les chiens, les chats bien sûr, mais aussi même les reptiles. On sait que les varans, les crocodiles ont des rêves et plus proche de moi, enfin peut-être plus loin que vous, des tatous. J'ai des tatous à la ménagerie qui rêvent. Ma femelle a une position particulière pour rêver, elle se met sur le dos et elle trempe des pattes. Alors ça inquiète tous les visiteurs, mais je leur dis non, vous inquiétez pas, elle est en train de rêver. Elle rêve qu'elle marche dans la forêt, je sais pas, mais elle rêve. Et donc là, nous avons parlé d'émotions, d'empathie, de rêves même, de tolérance. Et finalement, tout ça pour nous amener à nous questionner sur nous-mêmes et reconnaître enfin que nous sommes des animaux, parmi tant d'autres, des animaux qui sont aussi évolués que les autres, puisque nous vivons à la même époque. Et on n'est pas plus intelligent, on a juste une intelligence qui nous est propre. Ce que nous apprennent les animaux, ce qu'ils nous ont appris finalement, c'est qu'ils ont leur propre monde, alors que nous aussi, du coup, nous avons notre propre monde. À quoi ça nous sert tout ça? Ça nous sert à nous dire, finalement, est-ce qu'ils sont heureux, les animaux? Est-ce que, en regardant toutes ces vies animales, ces émotions animales, ces comportements, comment ils pourraient nous apprendre à être finalement plus heureux? La réponse que je dirais, une des réponses, c'est que finalement, être heureux, c'est être en harmonie avec ce qui nous entoure. Et c'est ce que font les animaux. L'animal, il est simplement heureux parce qu'il est en harmonie avec lui-même et ce qui lui entoure. Et tous les sages, aussi bien de l'Orient et de l'Occident, finalement parlent tous de la même chose, vivre le moment présent. L'animal nous apprend cette vérité qui est simple à concevoir mais tellement difficile à appliquer, être en pleine conscience avec ce qui nous entoure et avec nous-mêmes. Noreen Chaille, vétérinaire en chef de la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris, est l'auteur de « Sagesse animale, comment les animaux peuvent nous rendre plus humains ». Le livre est paru chez Stock. Noreen Chaille a aussi participé à l'ouvrage « Les grandes épopées qui ont fait la science » paru chez Flammarion, en partenariat avec Les Saventuriers et France Inter. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission, les émissions des semaines passées, mais vous pouvez aussi en avant-première écouter celles à venir. Toutes sont podcastables sur le site de France Inter. Clément Baudet réalise Les Saventuriers. Irène Menahem a préparé cette émission. À la programmation musicale Djoubaka, à la prise de son Nicolas Slimani et Céline Guéribi. Merci aussi à Romain Couturier de la discothèque de Radio France. La semaine prochaine, nous nous intéresserons au cerveau. Samedi, Laurent Cohen, professeur de neurologie à la Pitié-Salpêtrière, nous dira comment les scientifiques commencent à découvrir cet organe méconnu. Et dimanche, Pierre-Marie Liédot, neurobiologiste et directeur du laboratoire Perception et Mémoire de l'Institut Pasteur, nous parlera de la mémoire. Très bonne semaine à tous. Après le journal, vous retrouverez la librairie francophone estivale avec Emmanuel Kérad.